On va parler avec notre ami Marc Fortier, évidemment, le Canadien qui a nommé Kent Hughes, le directeur général. Salut Marc. Salut Danny. Marc, moi je suis très déçu, je vais te le dire, je m'en cache pas. Moi j'en voyais juste un. Là. Rien contre Kent Hughes, hein, de part. Là. On le connaît pas. Là. C'est un agent de joueur, donc j'imagine que c'est bon. Rien, hein, c'est pas contre Kent Hughes que j'en ai, c'est qu'ils n'ont pas choisi Patrick Roy. C'est ça la différence, moi. T'sais, moi, Patrick, c'était le gars qui aurait ramené la fierté. C'est le gars qui aurait ramené le chandail du Canadien. Pour lui, ça vaut de quoi. Le Canadien, c'est les Yankees de New York au baseball. Je suis pas sûr que Kent Hughes va... T'aurais appelé un agent libre qui vient à Montréal, qui est courtisé par les Canadiens, te faire appeler par Patrick Roy, puis te faire appeler par Jeff Gorton ou encore Kent Hughes. C'est pas du tout la même affaire. Et Dieu sait comment que ça va être dur avec tout ce qui se passe, là, avec... Puis pour toutes ces raisons, moi, je suis bien déçu. C'est rien contre Kent Hughes, là. Mais c'était Patrick mon choix. Ben, écoute, moi, c'est sûr et certain, mon choix, Danny, c'était Patrick aussi, là, OK? Mm. Ceci étant dit, tu sais, on s'aperçoit d'une chose, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'était pas à la recherche d'un gars hockey. Mm. OK? Leur gars hockey, Danny, là, ils l'ont. OK? Il avait déjà choisi, c'est Gorton. Mm. OK? Là, parce qu'avec toute la qualité des gars d'hockey que tu avais là-dedans, là, quand on parle de Roy, on parle de Brière, Mathieu Darche. On parle de Mathieu Darche, on parle de Roberto Luongo, avec toutes les qualités d'homme d'hockey que tu avais là, que tu as cherché Hughes, ça démontre une chose, ça démontre que leur gars d'hockey est choisi en Gorton. Maintenant, ceci étant dit, on s'entend que celui qu'ils ont nommé là, c'est un gars qui s'en va au front, pas de fusil, là. Mm. Il s'en va se faire bombarder. Mais je pense que lui, dans les qualités qu'il a en tant qu'ancien agent de joueur, parce que là, Danny, là, il y a une réalité qu'il faut se dire. Là, OK? Marc Bergevin a laissé un très, très, très bon héritage comme banque de choix pour le futur, pour le Canadien. Il a fait une bonne job. Mais peut-être le petit côté qui va être plus difficile un petit peu, c'est que le Canadien, présentement, son dernier, puis c'est l'équipe qui a le plus de joueurs qui ont des contrats à long terme dans la Ligue. Alors là, ils sont allés chercher un gars qui, lui, en tant qu'agent, il connaît les chiffres, il connaît le plafond salarial. Ils sont allés chercher un gars qui, comme on dit, là, mettons, en affaires, ça va pas bien là, dans la chose. Tu vas aller chercher un expert en redressement d'entreprise. Okay? Ouais. Ça, c'est un gars qui va venir regarder le côté monétaire, qui va essayer de redresser l'entreprise pour la ramener du bon côté. Ils n'ont pas tout ça, là, quelque part. Là. Il y en avait un, c'est un nom anglophone, mais qui parle français. De toute organisation de nom, là, des avocats qui connaissent les plafonds salariales, puis ainsi de suite. Là. Ils en ont tout un, ça. Oui, mais là, ils sont allés chercher un gars qui a l'expertise, Danny Gabin. Là. Ouais. Okay. OK? Gabin, je vais t'expliquer. Là, OK, le premier problème qui est arrivé à Jeff Molson, tu sais quoi? Mm. C'est que quand il a fait son choix avec Gorton, là, il a choisi un unilingue anglophone. Ouais. Là, ça, c'était la première peau qu'il a fallu qu'il répare. Là, à partir de là, il dit là, il faut que j'aille me chercher un gars qui va parler français-anglais, un gars qui va être capable de venir parler aux médias, puis qu'on va nommer directeur-gérant, mais dans le fond, il ne sera pas vraiment directeur-gérant parce qu'on s'entend que c'est Gorton qui va faire la job, mais un gars qui va pouvoir nous aider avec les chiffres et toutes ces affaires-là. Hey, toi, Ken News, connaissais-tu avant qu'il soit dans le processus, toi? Pas en tout. Bon, pis, moi non plus. Puis, tu sais, c'est quand même, tu sais, les agents de joueurs, c'est quoi? C'est Pat Brisson, c'est Alan Walsh, c'est ceux-là qu'on connaît, qu'on entend parler. Donc, mieux, en fait, ça encore, en passant. Tu ne penses pas sûr, hein? Donmien? Ben ouais. Oui. Après Pat Brisson, c'est le plus gros agent. Je me demandais s'il en faisait encore, parce qu'il doit être assez âgé, Donmien. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui. C'est dans soixantaine, c'est avancé. Mais c'est probable, à mon avis, c'est probablement le deuxième plus gros agent. Mais tu sais, ce qu'on dit, les plus gros joueurs, lui, c'est Patrice Bergeron, c'est Chris Letang. C'est ses deux plus gros joueurs. Oui. Même je pense qu'il y a peut-être Marc-André Fleury aussi. C'est peut-être dans ses joueurs, mais tu sais, ça revient à une chose, Danny, là, ça revient à dire, hey, si tu étais à la recherche d'un homme d'hockey, là, c'est pas ton choix. Non. Parce que quand tu as un Patrick Roy, tu as un Luongo, tu as un Brière, puis tu as un Darche, si tu choisis Hughes pour tes compétences hockey, d'après moi, là, on parle pas le même langage. Alors, ceci étant dit, il cherchait un assistant à Gorton qui va être capable de manager les chiffres, qui va être capable d'analyser les contrats, qui va être capable de donner une valeur. Parce que là, le Canadien, là, écoute, Danny, depuis l'histoire du Canadien, depuis que ça existe, là, c'est la première fois là, que le temple il est ébranlé. Ah. On n'a jamais eu le Canadien performer comme il fait là. Même à l'époque de Serge Savard, quand il a commencé, tu te rappelles quand il avait fait un congédiement, il avait congédié et il avait mis Réjean Houle. Moi, c'était la fois que je l'avais mis, je pense qu'il était le dernier, mais il avait quand même un bon noyau. Là, t'as quoi? Ah non, là, c'est pire. Là, c'est pire, Danny. Fait que là, moi, je me dis une chose. Si tu veux redevenir une dynastie, il faut que tu ramasses des Crosby, des Malkin, des Taze, des Kane, des McDavid et compagnie. Pour le faire, ça fait souvent qu'on s'en parle de ça, Danny. Alors, pour le faire, malheureusement, il faut que tu finisses dans un bas fond. Moi, je me dis, tant qu'à avoir le temple qui est ébranlé présentement, là, sais-tu quoi? Mettons la maison à terre, puis on la rebâtit. Puis la façon de la rebâtir, c'est avec des choix repêchage, c'est en finissant dernier une, deux ou trois saisons que tu vas ramasser peut-être un Tyler Wright cette année, peut-être un Bédard l'année prochaine. Puis là, tu t'en refais. Mais là, c'est le temps de le faire parce que là, on s'entend que là, les fondations là, sont abîmées présentement. Là. Alors, au lieu de juste réparer le toit, là, mettons la maison à terre, on refait le salage, on fait fondation, puis on remonte une bonne franchise. C'est la façon de le faire. Moi, je te dis, bien franchement, là, ça, c'est une affaire que les journalistes n'ont pas parlé aujourd'hui, là, parce que dans les défis, ils ont tout nommé le Carey Price, Jeff Petrie, après ça, nommer un bon directeur du recrutement. Moi, je pense que c'est la première affaire à faire. C'est la prochaine affaire, développement, recrutement. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé, là, puis que les médias n'ont pas parlé, sauf à Québec avec Jeff Fillion. Les mesures sanitaires, là. Il y a des femmes de joueurs qui commencent à en avoir ras-le-bol, là. Et ça fait le tour de la Ligue nationale. Puis tu sais, comme moi, Marc, les joueurs autonomes, là, c'est les femmes qui décident. Plus que les joueurs. Les femmes ont un gros rôle à jouer. Et là, avec les mesures sanitaires, ça va faire très mal. Ça faisait déjà très mal, les joueurs autonomes, là. Avec la taxation, le froid, la pression. Là, tu rajoutes une couche, là. Oui, mais Danny, si tu es pour reconstruire ton organisation, tu n'as pas moins de joueurs autonomes. Là. Mais non, c'est ça, je te dis. Les joueurs autonomes, là, tu vas en avoir besoin dans 3-4 ans, là, quand tu vas avoir été chercher des choix de première ronde, des joueurs potentiels, parce que Suzuki va vieillir, Caulfield va vieillir. Tu vas aller chercher 2-3 bons joueurs, bons jeunes joueurs par le repêchage. Puis dans 4-5 ans, quand ton équipe commencera à avoir de l'allure, là, j'espère que la pandémie va être finie, rendue là. Puis si t'as une bonne équipe de jeunes, un bon noyau de jeunes, là, je vais te dire une affaire, ça va être plus facile à tirer des joueurs quand tu vas avoir un produit sur la glace qui va espérer pour la Coupe Stanley. Mais là, présentement, même si tu auras les meilleurs joueurs disponibles à Jean-Libre, Danny, tu n'as pas de besoin là parce que, à mon avis, il faut que tu reconstruis cette organisation. Ben, c'est reconstruit. Puis moi, je pense que les premières affaires à faire, c'est de nommer un bon directeur du recrutement. Absolument. C'est absolument. Le recrutement, développement. C'est de valeur. Moi, je trouve qu'il y avait le homme l'année passée, puis il est parti. C'est Joël Bouchard. Moi, je trouvais que Joël, il faisait tout un job. C'était le gars idéal pour ça. Là. Et ça va prendre quelque chose, un gars comme ça, là, un genre de Martin Madden, un genre de Martin Madden senior, junior en passant, là, qui a une feuille. Mais attends un peu, Joël Bouchard, là, d'après moi, c'est pas ça qu'il veut faire. Là. Moi, je l'ai côtoyé longtemps. Là, Joël, c'est un coach Jean Lambe. C'est un gars qui veut faire du coaching. Ça me surprendrait qu'il voudra faire des pisteurs-chef. Non, je te parle pour le recrutement et pour Sherbrooke, pour le développement. Là. Le développement, il y avait le gars idéal pour ça. Pas pour le recrutement, là. Je te parle du développement. Absolument. Gars qui était. Il a fait des joueurs, on lui a pas donné de temps, mais il était en train de replacer Ryan Pelling. Il a fait Jake Evans, c'est un bon joueur d'hockey. Jake Evans, c'est pas un hockey. Là. Moi, je trouve que c'était le best, mais c'est ça que ça va prendre. De développement, le recrutement, ça va être ça, la clé. Ça passe par là. Oui, mais c'est deux jobs différentes. Là. Ouais. Là, moi, je pense que le premier geste, là, c'est de trouver un recruteur. Parce que là, ça s'en vient. Là, c'est demain, ça. Échanges, c'est demain le repêchage. Là. Il ne faut pas se préparer au mois d'avril-mai. Là. Ça commence demain matin. Là. C'est une période d'échange importante parce que là, avec les contrats qui sont pognés, le Canadien, on s'entend que s'il veut se débarrasser de Price, s'il veut se débarrasser de soit que Weber, il est sur le bord de la retraite, mais s'il veut un gars Gallagher, whatever, tu sais quoi, c'est qu'ils vont être obligés de s'échanger. Ils vont être obligés de retenir le salaire. Encore, s'ils veulent échanger Price, là, il n'y a pas une équipe qui va le prendre à 10. Là. Il va falloir que le Canadien... Oui. Peut-être même plus que ça. Exact. Les Canadiens vont falloir qu'ils disent on retient 5 millions sa masse salariale. Puis après ça, toi, là, mettons, je l'envoie à Phoenix, bien, toi, tu l'envoieras à Colorado, puis tu retiendras un autre 2 millions, puis tu auras des gros choix au repêchage. Mm. Puis Colorado va le pogner pour 3,5, puis ça va coûter un choix de première ronde, puis un bon joueur, puis tu vas avoir un prêt chez vous. Là. Mm. Ça va ressembler, fait qu'il va falloir qu'il fasse ça avec lui, il va falloir qu'il fasse ça avec peut-être Petrie, il va falloir qu'il fasse ça avec Gallagher. Mais à un moment donné, il va falloir que tu le fasses, ce virage-là, sinon tu es pogné avec des contrats encore trop longtemps. C'est quoi le premier geste que tu dois faire? Ben moi, là, je liquiderais tout ce que je peux liquider. C'est plate, là. Tu touches pas à ton noyer, ton Romanov, ton Suzuki, ton Caulfield, tes bons jeunes. Tu touches pas à ça. Ben, je le retournerais. Je le retournerais à Laval. Là, Tu peux apprendre pareil dans le pot. Tu peux apprendre dans le pot, Danny. Des fois, là, jouer contre des hommes, là, tu grandis plus vite quand tu joues avec des hommes. Mais moi, j'essaierais d'échanger tout ce qui a de potentiel à être échangé ou ce qu'on veut libérer ta masse salariale dans une couple d'années. Alors, est-ce que, tu sais, Weber, il va sûrement nous annoncer qu'il apprend sa retraite là, à un moment donné. Là. Ouais. Après ça, Price, tu essaies de le passer si tu es capable. Tu essaies peut-être de passer un Gallagher si tu es capable. Tu sais, Petrie, c'est pas méchant de le garder, là. C'est pas méchant. Non, mais lui, va-tu vouloir rester avec la déclaration de sa femme? Ouais, là. Mais tu sais, à un moment donné dans la vie, là, il faut que tu piles. Tu sais, ton ego, là, t'as mis de côté, puis le monde va falloir qu'il se dise, hey. Moi, je reste chez Chris Letang. Parce que, tu sais, ça va prendre. Parce qu'il y a quand même des bons jeunes, là, qui s'en viennent défensivement, là. Romanov, Goulet. Ça va prendre un vétéran pour gérer tout ça, là. Mais Chris Letang, il va être joueur autonome sans compensation. Tu vas me dire que. Puis lui, il a manifesté le désir de revenir à Montréal dans un podcast sans passer. Oui, absolument. Mais là, tu t'arranges pas si tu vas le signer un 5 ans. Là. Non. 5-6 ans. Tu essaies de te débarrasser des contrats de 5-6 ans, 5-6 ans, 7 ans. Puis là, tu vas aller signer un gars qui est peut-être plus en fin de carrière, même si ça sera un gars incroyable. Moi, je vais le chercher demain matin, le temps. Là. Ouais. Je vais le chercher. Mais là, si tu le signes à long terme, tu n'es pas nié encore qu'un contrat. Tu n'es pas d'avance. Là. Alors, si tu veux être subséquent à ton plan de match, il faut que tu fasses attention. Si tu vas chercher un le temps 3 ans, parfait. Moi, je signe moi ça, le temps 3 ans, let's go. Puis, Petrie, si tu peux le garder, tant mieux. Tu sais, à un moment donné, il y a des déclarations, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À un moment donné, il y en a d'autres déclarations qui sont déjà faites. Puis, quand la poussière tombe, il faut que tu tournes la page. Fait que c'est pas un méchant joueur à garder, mais il y en a des dossiers prioritaires à essayer de se débarrasser. Là. Ah non, c'est vraiment. C'est Dominique Ducharme. Moi, je le garde jusqu'à la fin de l'année parce que ça ne change rien. Ça ne change rien. Que t'amènes, même si tu amèneras Scotty Bowman, là, ça ne changera absolument rien jusqu'à la fin de la saison. Okay. Peut-être qu'à la fin de la saison, là, on analysera ça. Tu sais, moi, là, c'est un gars comme Patrick Roy est intéressant à venir coacher. Là, Pat, là, moi, je l'amènerai à moi l'année prochaine comme coach canadien. Moi. Je veux en parler de Patrick Roy, justement. Penses-tu que tu le côtoies, Patrick, tu y parles une couple de fois par année, penses-tu qu'il le regrette son geste au Colorado? Non, je pense qu'il a grandi. Patrick, là, il ne regrettera pas ça. Dans le sens que c'est Patrick. Il est conscient que ça l'a peut-être nuit plus que d'autres choses. Ça, Pat, je pense qu'il en est très, très, très conscient. Mais Pat, là, c'est un passionné, lui. Lui, là, il est avec les Remparts. Il a autant de fun que s'il était dans la Ligue nationale un matin. Là. C'est un gars, il a tellement de passion à lui. Il a appris beaucoup, puis je pense que ça l'a aidé à maturer maintenant, parce que moi, je le côtoie régulièrement, je le vois tous les semaines. C'est plus le même gars. Puis c'est tout un entraîneur. C'est un gars qui a tellement la passion dans ses yeux. Fait que moi, qu'il soit directeur gérant ou coach, je pense qu'il pourrait être aussi bon dans une job que dans l'autre. Puis si jamais les Canadiens le rencontrent puis qu'ils disent si on ne te prend pas comme DG, la job de coach est intéressée l'année prochaine, moi, je pense que Pat va y penser. Pat va y penser, alors qu'on dit tout le temps que Pat, c'était DG, il voulait venir à Montréal. Mais peut-être que là il voit tranquillement pas vite la chance de revenir dans la Ligue nationale s'est estompée. Parce que peut-être que Roy, soyons honnêtes, tu me dis en dehors des ondes qu'il avait été interviewé par les Sénateurs d'Ottawa. Moi, je le vois pas partout avec les Sénateurs. Moi, je le vois avec une équipe, un Original Six. Moi, je vois pas Patrick Roy avec Ouais, les... mais tu le verras pas parce qu'il se voit pas. Patrick Roy, là. Non, honnêtement, moi, il me l'a dit. Patrick, là. Il n'ira pas n'importe où, Danny, là. Oublie ça. Mais une équipe de Patrick, Regional Six, c'est sûr. Il y a une équipe qui va le faire tomber de sa chaise, là, il va s'asseoir. Mais je t'annonce tout de suite là, que si Nashville l'appelle ou New Jersey l'appelle, il n'ira même pas en entrevue. Là. Les Blackhawks de Chicago l'appellent. Peut-être qu'il peut y penser. C'est ça, je te dis. Ouais, peut-être qu'il peut y penser. Mais c'est Pat qui va choisir l'équipe où il veut aller. Il n'ira pas n'importe où, ça, c'est sûr. Moi, je le vois avec les Blackhawks, je le vois avec les Rangers. Une Original Six à Toronto, je pense pas qu'il y a, là, mais les Leafs, ils n'ont jamais. Là, t'sais. Mais t'sais, je le verrais. Je l'arrive à Détroit, il y a Steve Yzerman, je pense pas. Là. Mais une équipe Original Six. Hey, il irait peut-être à Toronto, Danny. Là, pourquoi pas? Ouais, mais c'est parce que est-ce que les Leafs seraient intéressés? Puis. Ouais, c'est... Ah, qu'est-ce que les livres? Les livres, eux autres, s'ils veulent gagner, ils pensent que c'est Patrick Roy, Laurent, mais... Mais je reviens sur... Il n'y a plus de rivalité. Je reviens sur Kent Hughes. Il n'a pas été... Écoute, c'est un agent de joueur. C'est un gars qui a de l'argent. Tu sais comment c'est. Il est sûrement... Je pense pas qu'il vienne à Montréal pour un Yes Man. Puis tu sais, j'ai regardé la série All Nothing. Tu l'as peut-être pas vu, là, cette série Amazon. C'est sur les livres de Toronto. Puis on voit... Parce que là, ça ressemble pas mal à la structure des livres de Toronto, Brendan Shanahan, puis Kyle Dubas, mais ainsi de suite. Puis, on pense que c'est Brendan Shanahan qui colle les shots, mais Kyle Dubas, il amène l'âge de Toronto, si on voit la série. Là. Donc, moi, je pense pas qu'il vient à Montréal pour être un Yes Man, parce que l'agent de joueur, c'est quand même assez payant. Là. Ouais, mais regarde, Danny, là, tu sais qu'il y a pas un poste plus prestigieux que directeur général du Canadien ou entraîneur du Canadien. Moi, je pense, là, je vais te le dire, mon opinion, là, moi, je pense qu'il va être le conseiller de Gorton. Gorton, là, c'est lui qui mène la barque. Okay. C'est lui qui a pris, c'est l'homme à Jeff Molson. Il a frappé un one-way parce qu'il est une langue anglophone, mais son homme, c'est Gorton. Gorton est allé chercher son chum. C'est un chum, ça. C'est son chum, ça, Hughes. Ouais. Il est allé chercher Hughes comme conseiller au directeur à Gorton. Et en plus, ben, comme je t'ai dit, il va donner son point de vue sur les contrats, sa vision en tant qu'agent, l'argent qu'on peut aller sauver là, les contrats qu'on peut aller sauver. Ça, il y a une expertise là-dessus, il faut y donner. Mais Danny, c'est impossible que le Canadien vont dire on est allé chercher le meilleur homme au hockey qu'on pensait pour faire le job de directeur gérant. C'est le moins qualifié de tous ceux qui ont passé en entrevue en tant qu'expérience de directeur gérant dans du hockey. C'est le moins expérimenté. Mais tu sais, Pierre Lacroix, à l'époque... Oui, mais là, tu parles de 1988. Là. Tu ne parles 92, pas de 2021. Là. C'est une réalité différente. Okay. Hey, en terminant, je vais te parler rapidement de Logan Mailloux. Moi, je suis content pour le gars. Moi aussi. Moi, le gars, il fait très bien depuis qu'il est arrivé. Là. Puis, tu sais quoi? La meilleure organisation pour leur place. Moi, je trouve qu'il a payé très cher. Là, pour... le geste, regarde, on l'excusera pas. Là. Puis, le Canadien aurait bien pu repêcher un autre joueur que lui. Là-dessus, on est d'accord. Mais, tu sais, un coup que c'est fait, là, maintenant, revenez-en. Là. Puis, tu sais quoi? Je pense qu'avec les Knights de London, c'est l'équivalent des Remparts de Québec. Comme organisation dans la Ligue de l'Ontario. Puis moi, je pense que le gars, s'il y a une organisation qui peut leur placer, c'est cette organisation-là. Oui, c'est un jeune qui a fait une erreur impardonnable, mais surtout une erreur impardonnable aujourd'hui. Tu sais, la réalité d'aujourd'hui, puis de 1980, 90, 2000, là, tu penses-tu que c'est jamais arrivé ça avant? Mais non, c'était Raiders, pas plus acceptable avant, là, Danny. C'était pas plus acceptable. Non. Mais là, aujourd'hui, là, la ligne est rendue plus mince, puis c'est maintenant plus acceptable. Avec toutes les dénonciations, les MeToo de ce monde et ces choses-là, c'est rendu inacceptable. Bon, ceci étant dit, c'est pas le premier. Non, la NFL, les Raiders Oakland, ils ont repêché, cette année, là, ils ont congédié leurs deux premiers choix de 2020. Un, parce qu'il s'est promené en état d'ébriété, il a tué un gars. Et l'autre, qui a fait une vidéo sur Instagram avec des armes, puis qui dit qu'il va peut-être faire un carnage. C'est les Raiders Oakland. Dans la NFL, ça arrive souvent, les cas de même. Il faut en revenir aussi. Là. Ben oui. T'sais, ben oui, c'est ça. Puis il faut surtout l'éduquer. Ouais. Là, ce gars-là, là, c'est pas un fou, c'est pas un bum. Mais là. Non. C'est un gars qui a manqué de jugement dans une situation, OK, ou qui a humilié quelqu'un, puis c'est vrai que c'est inacceptable, mais le petit gars, là, il va avoir une réhabilitation facile. Là. D'après moi, là, il l'a eu, là, sa leçon, il l'a eu. Là. Puis là, ben, à la base, c'est un joueur d'hockey, puis il va faire une carrière de joueur d'hockey. Alors, Est-ce que le Canadien aurait pu ne pas le repêcher? La réponse, c'est oui. Mais là, ceci est fait, là. Puis là, on le sait qu'il a fait une erreur, le petit gars. Maintenant, là, il faut que tu dises, hey, on va le réhabiliter. Ça peut être un très bon joueur de hockey. Il peut faire une belle carrière professionnelle. Laissons-lui la chance de se racheter. Ben moi, je suis content, en tout cas, parce que tu connais des Lanterns. Je pense que tu l'as même fréquenté un peu. C'est une organisation, les Knights de London, comme les Remparts de Québec. De la manière qu'ils traitent le joueur. Bien sûr. Marc, on s'en parle bientôt. Peut-être même cette semaine avec les déclarations de. On va en entendre parler de la conférence de presse demain. Ok, Marc.